Episode Overdrive on Radio Dio. Bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture, bien entendu Megadeth, non pas avec le dernier album mais avec ce disque paru en 2004, The System Has Failed, non pas le plus connu mais qui retrouve, sur lequel on retrouve d'excellents morceaux comme ce Kick The Chair. Notez une participation de différents musiciens à cet album, notamment le retour du guitariste Chris Poland que vous avez entendu, également À la batterie, on avait un batteur de session également, avec Vinnie Colaiuta, qui encore une fois joué avec énormément de monde, batteur de studio. Et voilà, donc un album vraiment peut-être le plus personnel. L'album peut-être qui pourrait être un album solo de Dave Mustaine, qui reste pour moi assez bon et assez qualitatif. Non pas, bien sûr, un classique de la trempe d'un Rust in Peace ou autre Peace Cells, mais qui vaut son pesant de cacahuètes. Également, dans Overdrive, on va débuter l'émission tout simplement avec Megadeth, qui sortira la semaine prochaine ou dans deux semaines son nouvel album et dernier album éponyme. Voilà, le père Mustaine a décidé de raccrocher les gants après la tournée du nouvel album. Il cite des quand même difficultés maintenant à plus de 60 ans d'interpréter certaines parties de guitare très techniques et peut-être un peu de lassitude. Donc pour ceux qui ne l'ont pas suivi, il a décidé d'enregistrer une reprise de Metallica pour conclure en bonus, pour conclure le dernier album de Megadeth. Ce serait Ride Lightning, morceau qu'il a contribué à écrire et qu'il a repris un petit peu plus rapide que sur l'original. Donc là, comme beaucoup de monde, on est très impatient d'entendre ça, et bien sûr on en diffusera dans l'émission. En attendant, on va diffuser un des premiers singles de ce dernier album de Megadeth. Ce sera Let There Be Shred, sur lequel la guitare de Timo Mantisari, nouveau guitariste du groupe, également guitariste Winterson, fait absolument des merveilles, avec un riff du trash début des années 80, là aussi excellent. Let There Be Shred tout de suite par Megadeth. The stage has been lit. Get up on your feet. Hearts start to pound. Everyone get off your seat. My feet are spontaneously combust into flames. Destroying pretenders. Only ashes remain. On the day I was born, a guitar in my hands, the earth started rumbling. A thunderous command. To crash, to bang my head, to smash my guitar. Let that be shred. The end starts to roar, a tsunami of sound, controlling the air, shaking the ground. Delight. Close. and let there be shred. Voilà, du Megadeth pur jus avec ce Let There Be Shred, extrait de leur futur album éponyme. On continue maintenant avec une autre sortie de ce début d'année 2026, l'album de Alter Bridge, là aussi toujours emmené par le duo Mark Tremonti et Miles Kennedy, vraiment excellent, toujours une grosse production, et ce sera le morceau Scales Are Falling, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. maintenant, après le tour de Alter Bridge, on va passer quelque chose d'un peu plus old school avec le chanteur Jimmy Jamison, qui est connu pour son temps dans Survivor. Et cet album live qui vient de voir le jour sur Frontiers Records, ce sera un titre qui est, bien entendu, fait partie de la BO d'un Rocky avec Burning Heart, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Thank you guys for coming out. It's an honor to be here playing for you, man. We couldn't wait to get here. We're gonna have some fun tonight! There's a place for answers and a creature of faith. continue maintenant dans Overdrive avec du heavy metal pur jus et ce Tears in Rain par le groupe britannique Telgunner. Telgunner, il ne s'agit pas d'un groupe hommage à Iron Maiden, mais un groupe britannique qui souhaite redonner un petit peu ses lettres de noblesse au heavy metal traditionnel britannique. Ils se disent d'inspiration Maiden et Priest, et ce sera Tears in Rain tout de suite par Telgunner. Telgunner, tout de suite sur Overdrive, Radio Duo pour les amateurs de heavy metal traditionnel. Je trouve ça plutôt sympathique, vraiment très bien ficelé. Et maintenant, on va continuer dans Overdrive avec un autre groupe de un petit peu, on va dire, power metal. Ce sera le groupe Beyond the Black qui nous a sorti cet album Break the Silence tout de suite sur Nuclear Blast, et on s'enverra tout de suite The Art of Being Alone par ce groupe Beyond the Black, sur lequel on retrouve les invités, les Allemands de Lord of the Lost, qu'on avait vu il y a de ça l'année dernière, ou il y a peut-être 2 ans, à l'Euro l'Eurovision. Alors, je sais, ce n'est pas vraiment une référence. Néanmoins, c'est assez marrant pour être tout simplement souligné. Et moi, il m'en faut peu pour me faire rire. Lord of the Lost, invité sur Beyond the Black avec The Art of Being Alone. Tout de suite. Hello. Voilà pour le groupe Beyond the Black avec The Art of Being Alone, sur lequel on retrouvait le groupe allemand The Lord of the Lost en invité. On va passer maintenant à une longue plage musicale avec le groupe Therion qui nous sortira fin du mois ce Con Orchestra, enregistré bien entendu en compagnie d'un orchestre. On avait passé le classique du groupe Rise of Sodom of Gomorrah la semaine dernière que j'avais trouvé dans une prestation absolument fantastique. On entendait beaucoup justement le public, ce public mexicain, il me semblait, qui était tout simplement chaud, chaud bouillant. En tout cas, j'espère que ce sera autant le cas sur ce Draconian Trilogy qu'on va écouter tout de suite par le groupe Therion. We'll be right back. Voilà pour le groupe Therion avec ce Korn Orchestra et ce Draconian Trilogy que vous venez d'entendre sur le 895 de Radio Dio. Une belle plage musicale, beaucoup d'ambiance en tout cas dans le public, ça fait plaisir. On continue avec ce groupe Zeppelin, enfin c'est plutôt ce groupe Margoyan qui nous sort cette EP Zeppelin tout de suite, sur lequel on ne retrouve non pas un EP de reprise de Led Zeppelin, mais un projet beaucoup plus ambitieux que ça, un projet qui a vu le jour sur un financement participatif qui a vu tout simplement une somme record lui être versée et sur lequel on retrouve maintenant une grosse production à la fois d'un point de vue des visuels ainsi que justement de l'enregistrement, puisqu'ils ont bénéficié d'un orchestre et également d'un chœur symphonique. On s'envoie ça tout de suite avec ce morceau-titre qui s'appelle tout simplement Zeppelin et qu'on va écouter tout de suite sur Overdrive, Radio Dio par le groupe Margoyan. Ils seront du côté d'Andrézieux-Boutéon au mois de juillet pour le Volcanic Fest qui sera la première édition de ce festival qu'on espère bien attendu. On continue tout de suite, Margoyan dans Overdrive, Radio Dio. doors, tell everyone how we're suffering, but never forget you're not alone. D'entendre Amasari, ce groupe sorti sur la Clonosphère avec cet album Pictures et le morceau Our Heads Spinning. On revient en des terres purement heavy metal avec ce Death Dealer sur lequel on retrouve le guitariste Ross The Boss, ancien bien entendu Manowar, et cet album de pur heavy metal entre, on va dire, un Halloween pour le côté très speed et puis Mercyful Fate pour le côté plus malsain. Donc du coup, ce sera le morceau Compelled tout de suite qu'on écoute par le groupe Death Dealer. Sunsets. much we spent our life. Give them the knife. Voilà pour le groupe Def Dealer tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Il est temps maintenant de passer à du bon vieux trash allemand avec Creator qui nous sort aujourd'hui même The Crushers of the World, Crushers avec un K tout simplement comme Creator, qui prouve que maintenant 40 ans après ses débuts, ce bon vieux Mile Petrozza n'a rien perdu de sa verve. Tout de suite sur Overdrive Radio 2, c'est paru sur le Nuclear Blast, Creator avec son Crushers of the World. Et maintenant, nous allons continuer avec quelque chose d'épique enregistré au Festival de Copenhague. Ce sera Trolled, tout de suite par ce Trolled Tild Guild Under Ulven. Aucune idée de ce que ça veut dire. En tout cas, je pense que ça plaira aux amateurs de Pagan Metal. Toujours Overdrive Radio Duo, il est 22h passées de 35 minutes maintenant et on continue notre petit bonhomme de programme avec ce Trolled Manden tout de suite. Pour le groupe Trolled, tout de suite sur Overdrive, les amateurs de Pagan Metal devraient se régaler. On va continuer maintenant avec quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, black metal. Et ce groupe Enthroned, qui nous a sorti son dernier album sur Season of Mist, intitulé tout de suite H. Tout de suite, si vous aimez, on va dire, les groupes extrêmes, un peu plus à l'ancienne façon Marduk, ou alors même des choses un peu plus black metal, comme un peu plus death metal, pardon, comme Morbid Angel, vous devriez vous rassasier avec Rasha Vismin. Maintenant, pour le groupe Enthroned, donc ces Belges qui font du black metal. Et on continue maintenant avec Archvile et son album paru sur le label français Les Acteurs de l'Ombre. Ça s'appelle Other Désespéré et on va envoyer tout de suite ce morceau titre tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Vraid tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec ce morceau Kraken paru sur une BO d'un film du même nom. Et on va maintenant quasiment clôturer l'émission avec cet excellent groupe danois qui s'appelle Jotun. Jotun qui nous a sorti deux excellents albums ces dernières années avec Access All Worlds et Kinship dans un style death metal progressif. Ils nous sortent maintenant un album live at Copenhague, donc festival metal de Copenhague. Et on va envoyer ça tout de suite. Encore une fois, on rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également le facebook.com/overdrive radio duo. Encore toutes les bonnes adresses pour retrouver les podcasts des émissions sur Mixcloud. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye, et on se quitte au son de cet excellent groupe et de ce magnifique morceau Waves Below par le groupe Jotun. Tout de suite, une longue plage musicale qui devrait bien terminer l'émission.